Camarade Caillou, juste une petite parenthèse pour vous présenter la prochaine chanson. Du coup, on va entendre une musique du groupe Yorum, qui est un groupe kurde. Et en raison des champs politiques du groupe, le gouvernement turc considère les membres comme des terroristes et a emprisonné et torturé plusieurs membres du groupe pour appartenance à une organisation terroriste. Et il y a plusieurs autres membres du groupe qui se sont réfugiés à l'étranger pour échapper à la prison. En tout cas, les membres qui avaient été perquisitionnés et arrêtés ont entamé une grève de la faim en mai 2019. Voilà, et il y a deux personnes qui, malgré leur libération, ont continué cette grève de la faim pour continuer à protester contre le harcèlement et la censure contre les divers groupes culturels kurdes en Turquie. Et donc, ce 3 avril, Hilin Bölek est décédée après plus de 288 jours de grève de la faim. Et voilà, donc un petit hommage à elle et respect pour cette force de tes convictions, même si c'est extrêmement triste de savoir que cette meuf de 28 ans est morte de faim pour lutter contre des injustices qui malheureusement ont encore cours. Voilà, la chanson qu'on va écouter s'appelle Güleycan. Je vous laisse en musique. Hommage à Hilin Bölek. Güleycan, gül gül gül, güleycan.